Balade à la lune d'Alfred de Musset, lu par K00 pour audiocité.net. C'était dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. Lune, quel esprit sombre, promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil. Es-tu l'œil du ciel borgne? Quel chérubin cafard nous lorgne sous ton masque blafard? N'es-tu rien qu'une boule, qu'un grand faucheux bien gras, qui roule, sans pattes et sans bras? Es-tu, je t'en soupçonne, le vieux cadran de fer qui sonne l'heure aux damnés d'enfer? Sur ton front qui voyage, ce soir ont-ils compté quel âge à leur éternité? Est-ce un ver qui te ronge quand ton disque noirci s'allonge en croissant rétréci? Qui t'avait éborgné l'autre nuit? T'étais-tu cogné à quel arbre pointu? Car tu vins, pâle et morne, coller sur mes carreaux ta corne à travers les barreaux. Va, lune moribonde, le beau corps de Phobée, la blonde, dans la mer est tombé. Tu n'en es que la face, et déjà, tout ridé, s'efface ton front dépossédé. Rends-nous la chasseresse blanche au sein virginal qui presse quelques serres matinales. Oh, sous les verts platanes, sous les frais coudriers, Diane et ses grands lévriers, le chevreau noir qui doute, pendu sur un rocher, l'écoute approcher, et, suivant leur curée, par les veaux, par les blés, par les prés, ces chiens s'en sont allés. Oh, le soir, dans la brise, Phobée, sœur d'Apollo, surprise, à l'ombre, un pied dans l'eau. Phobée qui, la nuit close, aux lèvres d'un berger, se pose comme un oiseau léger. Lune, en notre mémoire, de tes belles amours, l'histoire t'embellira toujours. Et toujours rajeunie, tu seras du passant, béni, pleine lune ou croissant. T'aimeras le vieux pâtre, seul, tandis qu'à ton front d'albâtre, ses docks aboieront. T'aimeras le pilote, dans son grand bâtiment, qui flotte sous le clair firmament. Et la fillette, preste, qui passe le buisson, pied leste, en chantant sa chanson. Comme un ours à la chaîne, toujours, sous tes yeux bleus, se traîne l'océan monstrueux. Et qu'il vente ou qu'il neige, moi-même, chaque soir, que fais-je? Venant ici m'asseoir, je viens voir à la brume, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. Peut-être qu'en déchante, quelque pauvre mari, méchante, de loin tu lui souris. Dans sa douleur amère, quand au gendre béni, la mère livre la clé du nid. Le pied dans sa pantoufle, voilà l'époux tout près, qui souffle le bougeoir indiscret. Au pudique Hyménée, la vierge qui se croit, menée, grelotte en son lit froid. Mais monsieur tout en flamme, commence à rudoyer madame, qui commence à crier. Ouf, dit-il, je travaille, ma bonne, et ne fais rien, qui vaille, qui ne te tient pas bien. Et vite il se dépêche, mais quel démon caché l'empêche de commettre un péché. Ah, dit-il, prenons garde, quel témoin curieux regarde avec ses deux grands yeux. Et c'est dans la nuit brune, sur son clocher jauni, la lune, comme un point sur un i.